les milliers de flèches ou gardes à vous. À vue ? Un fantôme questionne. Comment était cette femme, si belle ? Derrière l'objectif, photographe de la Galleria Vittorio Emanuele. Et cet homme qui parlait, obsédé par un projet. I believe in hydrogen. Et le fantôme. Ensuite, un silence avide. Les adolescents curieux, égarés à la Scala. L'opéra, c'est du luxe. Non, Verdi, la foule de Verdi. Petite miette jetée, les souvenirs sont l'oubli du temps. Emmanuel, j'avais une amie, oui, du même nom. Les mots à saut de mouton franchissent les années, ignorant la solitude. Une amie qui un jour m'a quittée, cela arrive, avec sa suite d'amour. Ce trophée, le fantôme a soif, un témoin infaillible, machine chrono folie. Est-ce que tu l'aimais ?